Ouais, gros, smoke dans les water. Ouais, gros. Tout le monde, tout le monde. J'aime bien la fumée. J'fume des joints quand j'vais pas.